À Paris vivait une dame qui était belle comme le jour. Elle avait une cuisinière qu'aurait voulu être aussi belle que sa maîtresse, mais elle n'a pas pu. Elle s'en fut chez l'apothicaire. « Ah, monsieur, vendez-vous du fard ?»« Ah, vraiment, oui, mademoiselle, j'en vends 6 francs, 6 francs, ce sont 2 écus. » « Ah, donnez-moi une demi-once, voilà l'écu. »« Quand vous viendrez à vous farder, prenez bien garde de vous mirer. »« Vous éteindrez votre chandelle, barbou, barbou, barbouillez-vous. »« Vous partirez, belle demoiselle, vous promener. » À peine avait-elle fait 3 pas, son cher amant elle rencontra. « Où vas-tu si belle fanchette, si barbouillée ? Tu ressembles à la cheminée aussi noire que tu es. » Elle s'en fut chez l'apothicaire. « Ah, quelle femme avez-vous donné ? Je vous ai donné du cirage pour vos souliers. Il n'appartient pas aux cuisinières de se farder. »